joindre. Le rythme du dehors devenu étranger, contraignant à admettre d'une larme rentrée et d'un épuisement. C'est l'espace où s'enclenche ce que tu reconnais d'un baiser sur ma peau. L'énergie qui remonte, le rythme qui se raccorde et se laisser porter par cette mélodie jusqu'à pouvoir reprendre.